Maman, moi, pas pleurer comme ça. Papa, moi, pas désolé, dis ça. Tata, dis-moi, faut des fois patience. Moi, pareil, pas moi en chance. Dis-moi, musique pas bon putain. Ou péke, fait rien. Moi toujours brillé, bon Dieu, bon pour. Va laisser tomber, mino. Son ne pas blesser. Attends pour famille, moins quitter. Fais chumer la vie, moins presser. Désolé.